enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ce qui passe ta nuit, c'est très bien, c'est très bien. C'est ton argent ou c'est ta vie, c'est très bien, c'est très bien. Pas besoin d'une épée pour couper des fleurs, oh non, oh non. Peu importe ce qui passe ta vie, c'est très bien, c'est très bien. Que ce soit bon ou non, oui, c'est très bien. Yeah. Pas besoin d'un cadran pour perdre ton temps. Oh non, oh non. Prends-moi chérie, allons, écoute-moi. Je ne te ferai pas mal. Crois-moi chérie, allons. Peu importe comment tu reluis, c'est très bien, c'est très bien. Que ça vienne de loin ou d'ici, c'est très bien, c'est très bien. Pas besoin d'un fusil pour avoir des amis. Oh non, oh non. Prends-moi chérie, allons. camisole de force et je souffre au niveau du torse en me roulant sur un grand tapis de flou. Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Jim Harrison, de son vrai nom, Jim Harrison. Excusez-moi. On doit se pratiquer avant, non pas en montant sur scène devant public. Ils ont payé leur carte de membre. Ils veulent avoir le spectacle à la pleine mesure de la démesure de l'auteur, du comédien, de l'être de théâtre, de comédie, de l'artiste, quoi. Ils veulent le meilleur. Pour 25$. Mais comme tout artiste ne compte pas la sueur et le drame en s'élançant vers la comédie et en se rattrapant par la poésie, nous sommes fugaces comme la mer. Ça va bien, vous? Alors, Jim Harrison, de son vrai nom, James Taylor. James Harrison est un écrivain américain né le 11 décembre 1937 à Grayling, dans le Michigan, aux États-Unis. Et il dit, « Je me suis demandé comment nous pouvions nous façonner corps et esprit pour habiter pleinement cette terre. » C'est important, les gens qui réfléchissent, là. Très important. Il y a les suiveux. Comme le dit si bien Yvon Deschamps, les ceux et les ceux qui ne font que répéter, qui n'amènent rien d'autre au moulin. Ils sont un peu des bêtes robotisées, des animaux. Malheureusement, ou leur destin sont déjà tracés. En parlant de traçage, j'ai repassé la semaine dernière l'émission et monsieur Garnier, vous nous avez, pour ne pas dire Grenier, vous, oui, excusez-moi, monsieur Grenier, vous nous avez non, même pas, vous nous avez donné l'eau à la mouche. On sait très bien que lorsque la mouche frappe l'eau, ça excite le poisson. En excitant le poisson, ce que l'on veut, c'est l'attraper. Alors, j'ai écouté votre émission ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que vous avez presque ouvert le sujet du congélateur. Vous en rappelez-vous, est-ce que vous en rappelez-vous, voyons donc, rêvez-tu? Avez-vous dans votre tête, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et voulez-vous qu'on passe l'extrait de la semaine dernière pour que vous disiez à quel endroit vous étiez terminé, que vous avez terminé pour que vous continuez ou que vous preniez aujourd'hui? Parce que nous autres, on attend la fin de semaine, là. Et moi, là, j'ai mal dormi depuis ces jours. Je me disais, c'est quoi le congélateur, là? Il n'est pas en train de se préparer un tombeau dans un congélateur. Ah, mon dos! Comme il disait souvent, lui, puis qu'il radote ça à tout le monde. Je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Moi, je suis un gars nordique. Mais oui, 2-0, 2-0, mon nul, 2-0. Ça s'annule pas. Ça s'annulera jamais, 2-0, là. Alors, l'histoire du congélateur. Hein, tu t'en souviens, toi? Hein, gars, wow, il prend des notes. T'es un étudiant. Ah non, il n'y a pas d'âge. Non, 97 ans, là, le retour aux études. J'ai absolument rien contre. Les universités ont besoin de nous, de notre argent. Si la connaissance nous intéresse, déjà là, quand la connaissance t'intéresse, t'es curieux. En étant curieux, ben, tu vas en savoir plus. En voulant en savoir plus, ben, tu peux aller dans les universités autant que dans la bibliothèque. Bibliothèque, c'est gratis. Université, pas gratis. Mais t'as des gens vivants. Là. C'est du spectacle vivant, de l'enseignement vivant, avec des professeurs presque vivants, puis des attachés de cours, des protégés de cours, des protèges cours. Moi, je préfère les protégés parce que comme j'aime le froid, madame, j'aurais dû mettre de la colle dedans. Ça me descend dans le moment. Ça risque de me rendre dans le talon. Pas d'Achille. D'Achille talon. On n'a jamais fait ça, l'émission, là, de mettre un petit prélude de 52 secondes pendant qu'on va chercher quelque chose pour planter dans le palais. On n'a jamais fait ça. Mais écoute, comme on ne l'a jamais fait, on va le faire. Ça décollera plus avant 2 ans. Alors, on va vous raconter l'histoire du réfrigérateur. C'est pas un réfrigérateur, s'il vous plaît, merci, laitue mayonnaise. C'est un congélateur. Congélateur. Baisse le son. Baisse le son. Ah ouais, Philippe Catherine, baisse le son. On baisse le son. J'ai resté pris il y a quelques mois, quelques semaines. Je m'en souviens même plus, regarde, j'étais j'étais amputé du savoir universel, comme, hein? Je travaille dans un marché, pas un super, mais un marché, un endroit où on monte la bouteille. Ah, sainte, ben on en monte-tu de la bouteille? Moi, en particulier, j'en monte la grosse bouteille, la petite, la canette. J'ai beaucoup de canettes. Plus de canettes que de bouteilles. Heureusement, au moins la canette, ça pète, ça peut péter, ça peut fuir, hein, comme normalement un secret arrive un jour, même si on le veut pas, à fuir, à s'enfuir de l'anonymat. Les politiciens savent bien, les artistes le savent bien, les gens qui font partie des médias, les êtres publics, ne veulent pas que ça fuit, que les renseignements fuisent, que le discours intimiste ou personnel arrive aux grandes oreilles médiatiques. Parce que ces grandes oreilles-là, là, quand ils vont l'avoir su et divulgué, vont la placer à leur sauce, vont l'installer, vont la badigeonner à leur sauce, là. Épicée, sucrée, salée, oh! Là, la personne qui est mise en... Pardon, en tutelle? Non, pas en tutelle, voyons, tutelle, t'écoutes. Bon. Non, mis sous la sellette. Sellette Grenier, ouais. Ben, on l'a appelé hier soir, là, mais il devait signer le contrat. Il n'a pas vu. Ben, en fait, l'hymne national, on fait pas d'hymne national à l'émission, mais on voulait qu'il tire la note. On sait qu'il tire bien des affaires, là, mais la note. La note. Non, on ne va pas payer, non, pas cette note-là, mais la note ni, elle est cette ni, le ni, il n'y a pas de ni. En musique, il n'y a pas de ni. Bon, il y a le la, il y a le la, puis il n'y a pas de ni. Ni, ça n'existe pas le ni, voyons donc, ouais. ainsi. Do, ré, ni, ni. Ah, c'est mi. Ni, mi, ni, mi, ni, mi, ni, mi. Le mi, mi, mi, mi, mi, ni, ni, ni. Mais je préfère le ni, moi. Ni, ni, ni, ni, ni. C'est pas bon? Les oreilles vous saignent, madame? Bon. Congélateur, oui. Mais si on veut le raconter, il faut bien commencer. Installez-vous dans votre confortable fauteuil déroulant. Il y a un type qui est en fauteuil roulant qui vient dans mon marché. Puis il dit, ah, ben là, là, là, je suis tanné. Hein, j'ai envie de ma... J'ai envie de me placer le siège dans le siège. De me déposer. Il est drôle parce qu'il est déjà déposé. Il est tout le temps déposé. Il est en fauteuil roulant. C'est un humoriste, ça. C'est dommage qu'on n'a pas d'humoriste en fauteuil roulant, quoi qu'il y en a qui intellectuellement, hein, bon. Ceux qui vont plus vite, c'est ceux qui sont en quoi? En cloque, gamola, en cloque. Ben c'est, ben, non, mais si la femme qui met au monde un enfant, puis elle-même est lente, peut-être que l'autre qui naîtra sera plus rapide. Ah, vous avez raison, c'est une progéniture, la progéniture. Moi, je suis pas professionnel dans la progéniture. J'ai créé beaucoup de choses, des émissions. Combien d'émissions j'ai créées, madame? Bon, des nouvelles, j'ai écrit des nouvelles, moi. Vous ne saviez pas? Ben oui, j'ai écrit des nouvelles, de la poésie. J'ai écrit de la poésie aussi. Je lisais, je lis, je lirai quelquefois mes écrits, mes textes, encore... comment? Inconnu, oui. Incognito, inconnu. Connu par moi. Je connais mes textes, même pas. Je connais pas mes textes. Je fais la lecture comme n'importe quel... Le cigale et le corbeau, c'est moi qui l'ai lu. Puis, bon, c'est ça. Le congélateur. Travaille dans un marché. Puis, nous avions à rabais de la crème glacée. La bonne crème glacée. Là, je me suis dit, je dois tout placer, puis en fait, j'examine le tout. Je suis gérant de marché de soir. Moi, c'est compliqué, là. T'es un peu laid. Peux-tu le dire plus lentement? C'est en venant d'un lion. Non, je suis un gérant. Je digère plutôt mes nouilles de la veille. Oh, à chaque fois, je mange tout le temps des pâtes alimentaires. Puis, je suis quand même pas si gros que ça, là. 50 000 livres d'amour. Oh, l'amour. Oui, c'est ça. Gérant. Je digère le marché. Hein, je regarde le marché. Tous les plats, parce qu'on cuisine chez nous. Ben, pas chez nous, c'est pas chez moi, là, mais dans le marché dans lequel je bosse, ben, on prépare de la nourriture. Ça sent des fois. Ça sent des pieds parce que j'enlève mes souliers. Mais sinon, c'est de la bonne nourriture qui se prépare avec amour, avec la petite cuisinière, la chantonne, ben ouais, donc, elle pleure, ça, oh, c'est merveilleux. Et donc, j'examine le tout. Je suis un superviseur. J'ai un employé à mon actif, moi, avec Michel, un chauffeur de taxi qui s'est donné la mort il y a quelques années. On disait que j'étais un gérant de grains de sésame. Ça veut tout dire. Pour les gens qui sont vraiment là, au diapason, ils vont comprendre. Ce gars-là, j'en ai parlé à quelques reprises à mon émission. Lorsqu'il est décédé, je pensais beaucoup à lui parce que nous étions quand même assez complices dans la mesure où les moments les plus difficiles pour lui, c'était la période des fêtes. Noël, jour de l'an, parce qu'il était divorcé, des petits-enfants, qu'il ne pouvait pas voir ses enfants non plus. Ben, il a changé de nom parce que, en tout cas, il y a un homme à 11 millions de vies, là, comme un feu d'artifice. Je crois que lui est mort à 53 ans, puis il a vécu au moins 15 vies en 53 ans. Petit Michel. Alors, je suis gérant de grains de sésame et j'examine le frigo, le congélateur, et je me rends compte qu'on manque de crème glacée en spécial, parce que la crème glacée est en spécial. Donc, je descends en bas. Là, vous dites, voyons donc, il dit ça. Après ça, il dit haut. Non, dans ma tête, j'essaie de conjuguer, mais comme je suis un tantinet, mais là, c'est pas préoccupez-vous pas que ça. C'est un tantinet fatigué, mais un tantinet. Pas beaucoup un tantinet, là. C'est pas un méga, là. Moi, j'ai une méga fatigue, là. Non, un tantinet, là, tu dors pas. T'es là, puis tu sais que si tu vas te coucher, t'arriveras pas à dormir, tu vas pitourner. Puis là, tu vas dire, ah, je devrais prendre le micro, monter sur la montagne, et dire, vive le Québec libre. Bon, des choses comme ça. Sinon, je m'en vais dans... Non, quand t'es... On va le dire, madame. Quand on est gérant, on planifie, on vérifie, on a un œil scanner, on scanne, on numérise, parce qu'on va parler français, je numérise du regard tout ce qui se passe. Autant le public que les produits. Donc, à un moment donné, je passe devant le congélateur. En spécial, il y avait la crème glacée. Et là, je me rends compte qu'il y avait beaucoup moins de sortes. Donc, si on veut en vendre, il faut en présenter. Hein? Là, il fait de la demande. Consommer, polluons, crevons. Bon, alors, moi, je suis conscient de ça, moi. Là. Je suis conscient de qu'on est des pollueurs. Comment ça, le micro n'est pas aussi fort que ça? Qu'est-ce qui se passe à la morbide? Pardon? Diane Morbide? Diane Morbide a demandé au clavier 17. Non, mais en tout cas, c'est pas important. C'est peut-être le micro qui marche. Mais sinon, je scanne et je me rends compte qu'il n'y a plus qu'un glacé. Alors, je me suis dit, je vais descendre en bas. Parce que moi, quand je descends, c'est en bas. C'est pas en haut. Je descends pas en haut parce que ça me fait mal aux jointures. Puis aux molaires aussi. Je vais vous dire rapidement, là, ça me donne une genre de crispation aux molaires et aux mollets. En haut puis en bas, en même temps, dans le nombril. Puis bon, ça vient me chercher. Là. Fait que je descends en bas. Pléonasme. Rentre dans le congélateur, mais là, le congélateur industriel. Pas les petits congélateurs. C'est le congélateur. Ça, c'est le vent qu'il émet lorsque il aspire l'air et qu'il envoie le froid. Donc, moi, je savais. Parce que j'avais un boulot, à un moment donné, j'étais... je pompais. J'étais le meilleur pompeur. Ah! Oh. Non! Madame! Oh non, passez pas... Non, pompeur, pompiste. Pompiste. En pleine nuit! Jamais je mettais de l'essence dans les voitures, mais j'autorisais. Et puis, donc, j'ai une formation là-dedans, même pas de formation, une déformation. Et donc, je savais que notre frigo à bière, à l'endroit où je travaillais avant, quand ça aspirait, on ne pouvait pas ouvrir la porte. Mais là, moi, une affaire, le monde industriel ne connaît pas ça. Mais là, tu sais, le gros congélateur, là, le gros con, là, j'en ai connu des gros cons, j'en connaîtrai encore plein de gros cons. Je travaille avec le public, les cons, ça vient me chercher, pas grand-chose. Au début, j'étais un peu nerveux, mais aujourd'hui, je trouve ça drôle. Et puis, sinon, je prends les nerfs. On s'en va dans la ruelle, paf, dans le sac de vidange, j'embarque ça. Bon, on n'entend plus parler, on n'envoie plus de chèque, c'est fini. Bon, et sinon, je descends en bas, crème glacée, je ferme la porte, ça fait pouf! Là, je dis, oh, la porte est fermée, mais il y a un pompeux, il y a une petite clenche, là, un endroit où je peux presser et ouvrir la porte. Je ne stresse pas. Donc, je prépare ma crème glacée. Hein? Crème glacée vanille, chocolat, puis napolitaine. Des affaires, là. Briseau de chocolat. Aux dents cassées. Tu sais, ça, c'est la crème glacée de la mafia, les dents cassées. Ils aiment bien ça, eux autres, les dents cassées. Et concassées. Parce qu'ils veulent voir leur con dans les... En tout cas. Et puis, madame? Oui. Donc, après ça, je me dis, après 3-4 minutes, là, le compresseur est parti, c'est-à-dire que ça ventile pas mal. Et ça aspire. Bon, je commence à avoir froid. Là. On va sortir. Pince sur la clenche. Fonctionne pas. Je dis, hey, voyons. Là, peut-être manque de force. Là. Pince encore plus fort. Encore plus fort. Fonctionne pas. Et là, je commence à me dire, hey, Marc Boulette est bon Cravier, qu'est-ce qui se passe? Là, je donne un coup. Là, je me dis, je ne peux pas l'ouvrir. Je suis coincé. Et là, je me remémore Shining, l'enfant lumière, Jack Nicholson, mort clé. J'ai dit, c'est ça qui va m'arriver. Et les propriétaires devaient s'en aller là, dans les minutes qui suivaient mon emprisonnement dans le congélateur. J'ai pris à perpète. Voilà. Là, je me suis dit, si j'alerte pas personne, la caissière, elle, là, « Moi, je sais que monsieur, c'est quand on remercie mon jour, à prochaine. » Elle me dit, elle sait pas où je suis, elle, là. Elle pense que j'existe même pas sur sa planète, moi. Rénal Gagné, pour elle, c'est rien. Irence Renaldine, c'est rien. C'est KRL, c'est rien. Elle n'est... Bon, elle est pas branchée. Il y en a qui le sont, elle est pas branchée. Ça coûte moins cher. Quand t'es pas branchée, tu coûtes moins cher. Fait que, on paye le minimum, puis on a le minimum. Et puis là, j'arrive... J'ai dit, Saint-Tabarouette, priez pour moi. Là, j'ai dit, c'est vrai, il n'y a pas de Saint-Tabarouette. Là, je me mets à frapper tranquillement, là. Excusez-moi. Êtes-vous parti? Oh, je parle des propriétaires, les deux propriétaires. Excusez-moi. Êtes-vous parti? Là, ça fait... Là, les compresseurs... Hey, là, mais, hey, voyons donc, ils vont partir dans 2-3 minutes. Là, je prends mon cellulaire. Je vais appeler à l'endroit où je travaille. Puis je vais dire à la caissière que je suis coincé dans le congélateur. Prends le cellulaire. Pas de connexion. Pas de réseau. Et là, je dis, là, j'ai peut-être une minute et demie. Puis sinon, il n'y a personne qui va savoir que je suis là. Fait que là, je commence là, à frapper comme à Price is Right. Là. À frapper. Un vrai rave, là. Là, j'entends le propriétaire, là, tu sais, qui avait déposé ça. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends un peu. Hey, je suis dans le congélateur! Ouvre la porte. En ouvrant la porte, je porte des lunettes. La buvée dans les lunettes. Qu'est-ce qui se passe? Là, je raconte. Je dis, ah oui, mais il y a un truc. Il y a un truc. Pourquoi c'est pas indiqué à l'intérieur? Ne paniquez pas. Puis mettre une procédure à suivre. Oh, on va faire ça éventuellement. Non. Éventuellement, c'est maintenant. Puis là, ma vie est en danger. Puis quand même, je suis un animateur connu à Québec. Les gens se seraient mis à rire en tabac. Hein? Il est mort gelé. On savait. C'était... Il est mort. Monsieur Freeze, c'est mort. Il est mort. Là, j'ai, une fois sorti, puis une fois que la crème glacée avait été placée dans le congélateur en haut. Puis quand la propriétaire fille, j'ai dit, au moins ça vous aurait fait de la publicité. C'est ça l'histoire. On est le 29 janvier, le saviez-vous? Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, ils n'ont rien compris. Là, avec ils ont saisi que le congélateur a été coincé, puis t'es encore vivant, malheureusement. Malheureusement pour... Quoique la crème glacée aussi est encore vivante, heureusement. Oh. Vous avez mal au foie, madame? Vous croyez à la sainte crème glacée éternelle, chocolat et custard? Chocolat et custard, on va essayer une nouvelle sorte. Monsieur le Président, c'est surtout la custard. Ça sort du tuyau. Mais non, du tuyau de, ouais, de la pompe à l'incendiario. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone d'errance rénaldienne, la douce rénalité. Fring, à quoi va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? On est régulièrement dans le ridicule le plus intense pour le plaisir des auditrices. L'absurde aventure de... Voyons, c'est mouillé. Est-ce que c'est mouillé ou c'est froid? Bon, hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était la fête, hein? J'ai uriné sur... Oh, mon Dieu. L'absurde aventure de l'errance... Ah! Oh, c'est pas le temps qui a jauni les feuilles. Oh, non, non, non! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. On va... Gaétan, réimprime ces feuilles-là, parce que ça commence à venir... Ben, ça vient pas, mais la propreté, quand la radio va venir faire sa vérification, si on est propre, de notre personne et du micro parce qu'ils viennent vérifier si le micro c'est cohérent, notre micro c'est quoi, c'est quoi, c'est un cas lourd, un cas de légitime bédance. Moi c'est légitime démence. Oh, illégitime démence, c'est drôle. Dans le sens de bizarre. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chantiers. Aujourd'hui, le vendredi 29 janvier 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Notre quotidien, notre pain quotidien. Beurré des deux bords, avec du fromage, côté A. Du crottage. Je t'offrirai du fromage crottage pour les déjeuners. En juillet 2015, Réré le dégénéré, le trouble fête de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là à Paris pour rencontrer l'artiste, mon artiste, le grand, l'unique, le vrai. Hey, on est des motivateurs. Hey, vous remarquez ça, Mme Brisebois, qu'on est des motivateurs? Ben oui, surtout quand on... Oui. Madame, OK? Oui, mais vous nous écoutez depuis le début, madame? Allô? Oui. OK. Vous nous écoutez depuis le début? Oui. OK. Aimez-vous l'émission? Oui. C'est bon, hein? Oui. On fait des petites choses intéressantes. Oui. Oh. Vous aimez ça, les petites choses intéressantes? Oui. Bon. Si vous l'avez écouté, l'émission la semaine dernière, là, oui. Vous savez qu'on rencontre Paul. Oui. Paul Pichenard. Oui. Qui est chanteur, compositeur, interprète, qui a fait partie du groupe Daily Dogs. Oui. Oui.

Non, je rigole. Non, non, non, mais tu vois, j'ai aucune contrainte et ça, c'est bien. Toi, tu es en vacances? Là, non, pas en vacances. Non, je serai en vacances la semaine prochaine. Okay. Et ma fille qui vient du Québec samedi. Et après, on passe 2 semaines ensemble. Okay. Enfin, après, elle reste encore un petit peu, puis on fait des allers-retours, on va droite à gauche. Et tu es heureux? Moi, ben, ouais, on va dire. Le bonheur est une chose qui fonctionne en pointillé. Donc, voilà. Pour la maman, ça va, ça. Il y a des pointillés. Ouais. Moyennement. Non, non, mais bon, voilà. C'est la vie. Ouais. Bah, merci, quoi. Bien. J'ai pas arrêté le micro. Bon. C'est comme ça. Bah, écoute, tu sais bien. Qui me disait, il faut que je le fasse, tu vois. Et donc. J'ai passé du temps et j'étais toujours motivé à avancer sur ce truc-là jusqu'à ce que ça soit fini. Et maintenant, j'ai une plus grande capacité à écrire, mais j'ai moins ce moteur. Donc, je cherche un moteur. As-tu souffert de l'art de l'écriture? Non. De revivre ça? Non. Non, parce que écrire, c'est... Ouais, puis c'est une manière d'être toujours un petit peu décalage à côté, avoir un autre regard, un autre monde, et puis être là où tu as envie d'être toi. T'écris de là où tu es. La vie n'est qu'un rêve. Se parlent pas, ont-ils des réponses à leurs questions? Sont-ils heureux sans raison? J'entends la tempête qui fait rage, la foudre, le tonnerre. Je me demande quelle est l'importance qu'il faut accorder à notre existence. La vie n'est qu'un rêve. La vie n'est qu'un rêve. Depuis le hublot de mon avion, je vois la terre qui tourne en rond. Nous l'accompagnons dans ses rotations, sans connaître sa destination. La vie n'est qu'un rêve. La vie n'est qu'un rêve. Qui font des guerres sans nom, les gens qui se parlent à coups de canon. Comment conserver un peu de sagesse quand sifflent à nos oreilles ces serpents sans cesse? Quand sifflent à nos oreilles ces serpents sans cesse? Quand sifflent à nos oreilles ces serpents sans cesse? La vie. La vie n'est qu'un rêve. La vie n'est qu'un rêve.